السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم بارك لنا في أوقاتنا في علمنا وفي عملنا، إنك أنت السميع مجيب الدعوات. بدأنا بدراسة فقه الصيام ورأينا بعض المسائل، ولقد انتهينا من شروط وجوب الصيام، فلنراجع قبل تتميم ما بدأنا به أو فيه. فقلنا الصيام لغة هو الإمساك، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: كلي واشربي وقري عينا، إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فمعنى الإمساك أو معنى الصوم في هذه الآية من سورة مريم الإمساك عن الكلام. فإلا الصوم شرعا هو التعبد لله من شخص مخصوص عن المفطرات، أو بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلو أن خصصنا بالخفة مساج محمد صلى الله عليه وسلم. Et avant de poursuivre dans l'étude des règles de jurisprudence du mois de Ramadan et de son jeûne, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre science, de nous la rendre profitable, de nous bénir dans notre science. Subhanahu wa ta'ala. Au cours passé, nous sommes arrêtés à l'étude des conditions qui rendent obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Mais avant de continuer, on va réviser. As-siyam al-lughatan, dans la langue arabe. Qui est-ce qui peut nous expliquer cela? Imman hadha. Andaman al-su'al. Ahsan adam, barakallahu fiqh. C'est le fait de s'abstenir. C'est le fait de s'abstenir. Quelqu'un qui marche, puis s'arrête, on dit « Sama al-mash ». « Sama al-mash ». Et on a cité le verset de Surat Maryam. « Inni nadartu lirrahmani sawma » J'ai fait le vœu au tout miséricordieux de jeûner. Je ne parlerai donc à aucun être humain. Que signifie le jeûne dans ce verset? La retenue et l'abstention de toute parole. Comme le prouve la fin du verset. Comme le prouve la fin du verset. Amma siyam shar'an, religieusement parlant, c'est une adoration qui vise à s'abstenir, ou bien c'est une adoration qui est vouée à Allah subhanahu wa ta'ala par la personne, par une personne particulière, c'est la personne responsable, comme on a expliqué plus loin, qui vise à s'abstenir de manger, boire et de rapport, et cela de l'aube jusqu'au coucher du soleil. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et de cette définition, on a tiré les deux piliers du jeûne. Quels sont les deux piliers du jeûne? Al-imsak wa niyya. La retenue, donc de tout ce qui peut annuler le jeûne, et al-niyya, l'intention. Al-niyya, l'intention. Puis, on a vu que le jeûne était, du point de vue de son obligation, se diviser, ou bien de son jugement, se diviser en deux. Al-fard, al-wajib, wa al-tatawwu'. الفرض والتطوع. وقلنا إن الصوم الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فما هي؟ On a vu que le jeûne se divisait en deux. Le jeûne qui est de type obligatoire et le jeûne qui est de type surrogatoire. Et le jeûne de type obligatoire, ou bien il y en a, il y a trois types de jeûne obligatoire. Lesquels? Le jeûne du mois de Ramadan. Deuxièmement, le jeûne du vœu al-nadr, le serment. Et troisièmement, oublié, al-kafara ahsan, l'expiation. طيب التطوع يونا بلان التطوع يونا بلان le fait de jeûner lundi le jeudi, le fait de jeûner du mois de, beaucoup du mois de Sha'ban, le fait de jeûner trois jours dans le mois, le fait de jeûner trois jours dans le mois, plus particulièrement le 13, le 14 et le 15, les jours de pleine lune, le jour de Arafah pour celui qui n'est pas au Hajj, Mada dans certaines situations, le jour de Ashura avec un jour avant ou après, un jour sur deux, wahakam. Après cela, nous avons cité shurut wujub al-siyam. Shurut wujub al-siyam, les conditions qui rendent obligatoire à la personne de jeûner le mois de Ramadan. Al-shart عند الفقهاء ماذا هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود الوجود. الشرط هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب قلنا إن شروط الوجود كم؟ Les conditions qui rendent obligatoire le jeûne, son nombre de conditions. 5. طيب si on détaille on peut dire 6. Si on détaille on peut dire 6. Pour être taklif, on a rentré deux choses dedans. طيب on peut dire 5, on peut dire 6. طيب premièrement عندك الإسلام. طيب الكافر لا يجب عليه الصوم بل نأمره بالإسلام أولا فإذا أسلم أمرناه بالصلاة والصيام وليس عليه قضاء. Donc le kafir, on ne lui ordonne pas dans un premier temps le jeûne du mois de Ramadan, mais on lui ordonne de se convertir à l'islam, on l'appelle à l'islam, on l'invite à l'islam. S'il se convertit, on lui ordonne la salat et le jeûne. Et il n'aura pas attrapé les jeûnes passés. Par miséricorde, Allah Azza wa Jal efface tout ce qui est passé pour la personne qui rentre dans l'islam. Naam. La deuxième condition. Al-aql tayyib. On a un mot plus général. Al-taklif. Être responsable. Al-taklif, être responsable dans l'islam, ça englobe deux choses. La première chose, Al-aql, la raison. Al-majnoun, celui qui n'a pas la raison, ne lui ordonne pas de jeûner. Et s'il jeûne, son jeûne n'est pas accepté. Pourquoi? Pourquoi Al-majnoun, son jeûne n'est pas accepté? Parce qu'il n'a pas de niya. Il n'a pas de niya. Niya, c'est un pilier du jeûne. Et c'est une condition dans toutes les actions. Taïr. Celui qui, maza, est majnoun une partie, ou bien certains jours et certains jours, il a la raison. Il jeûne ou il ne jeûne pas? Hein? Quand il a la raison, on lui dit saute. On lui dit jeûne. Et lorsqu'il perd la raison, on ne lui dit pas de jeûne. Il n'aura pas rattrapé ses jours. Tayyib, al-mourma alayhi, celui qui s'évanouit. Tayyib, celui qui s'évanouit. J'ai vérifié de mes khutbas dans une des khutbas, au lieu de dire évanoui, j'ai dit tomber dans les pommes. Là, c'est trop familier, c'est pas à dire dans un cours ou dans une khutbah. Mais mon manque d'éloquence en langue française m'a fait faire cette faute. Wassarfirullah wallahu musta'an. Taïb. Donc c'est pas à retenir. Je tombe dans les pommes, c'est pas à dire dans un das. Femme, c'est Adam. On ne dit pas je tombe dans les pommes. On dit évanoui. Taïb. Ma'adam barakallahu fikum. Celui qui s'évanouit. Taïb. Quel est son hal? Il doit rattraper ce jour. Il ne rattrape pas ce jour. Naam. Khana, ça t'es trop loin, j'entends pas de là-bas. Tu peux pas. J'entends pas, je comprends pas. Parce que t'es trop loin. Même, j'entends toujours pas. Tous ceux qui sont pas dans la halqa, j'entends pas, je comprends pas. Pour ça, ils jeûnent pas. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Vous êtes tous d'accord? Il s'est évanoui. D'accord? Une partie de la journée ou la majeure partie de la journée. Il a commencé son jeûne. Ensuite, il s'est évanoui. Le fait de s'évanouir, il se réveille le soir. Est-ce qu'on lui dit que ce jour-là, il est validé? Ou bien il doit rattraper ce jour? Ou bien il n'a rien à faire? Al-Mu'ma Ali. Bada Sawma. Tayyib. ثم أغمي عليه في النهار طيب فإذا استيقظ في الليل نعتبره مفطرا أو صائما أو عليه قضاء صائم ليس عليه قضاء le frère dit que son jeûne est valable il n'a pas le rattrapé اسمعي أنت ماذا تقول مفطرا إذا استيقظ يعني عليه القضاء نقول له تقديم donc le frère lui dit que son jeûne n'est pas valable et que lorsqu'il se réveille il devra le rattraper اختلف أهل العلم في هذه المسألة les savants divergent dans cette masala certains ont dit que Al-Mughma Ali celui qui s'évanouit ressemble le plus au Majnoun ces gens là ont dit il n'a pas rattrapé certains ont dit non il ressemble le plus ماذا à celui qui dort. Donc s'il n'a rien mangé, c'est bon. D'autres ont dit non, si c'est la majeure droite, kada ikhtalaf. Taïb, ikhtalafou, fa nuraja kutub al-fiqh li tahqiq fi hadhi al-mas'ala. Taïb. Maza, une parole qui est forte, c'est de dire que ihtiyatan, yani par précaution, il rattrape. Par précaution. Amma que c'est obligatoire, Allahu A'lam. Que de dire que c'est obligatoire, Allahu A'lam. Si il a commencé son jeûne, ensuite il s'est évanoui et il n'a rien mangé ensuite, Allahu A'lam. Taïb. Donc ça c'est Al-Aql. Ensuite, dans Taklif, c'est quoi la deuxième chose? Na'am? Al-Bulugh, la puberté. Taïb. La personne devient pubère par l'un de trois signes, que ce soit un garçon ou une fille. On a rajouté un quatrième signe chez les filles, chez les jeunes filles. Taïb, quels sont les trois points? Naam. Nabd al-sha'r, ta'ana, donc l'apparition de poils au pubis en bas. Deuxièmement, le ithmam khamsa ashar sana. Le fait de compléter 15 ans. Taïb. Troisièmement, inzal mani bi shahwa, celui qui a la sortie du liquide avec désir. Taïb. Et tout particulièrement pour les femmes, al wujud al hayl. Taïb. Le fait d'avoir ses menstrues. Taïb. Ça, c'était le deuxième et le troisième point qu'on a réuni sous l'appellation de taklif. Taïb. Maza, le point suivant. Comment? Donc, ne pas être voyageur à l'Iqam. Taïb, si mes souvenirs sont bons, là, c'était après. D'accord? Juste avant, on avait cité Al-Qudra, la capacité. La capacité. La capacité exclut l'incapacité. Adam al-Istita'at al-Qasim al-Qismayn. Ou al-Qasim al-Qismayn. Le fait de ne pas être capable se divise en deux. L'incapacité de longue durée et l'incapacité passagère. Celui qui a une maladie passagère, dont il espère la guérison, qu'est-ce qu'il devra faire? D'abord, qu'est-ce qu'on lui dit? Quelqu'un vient et nous dit je suis malade. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit jeûne. S'il nous dit je ne peux pas jeûner, on lui dit jeûne quand même. On insiste encore. Taïb, ensuite. Il dit je ne peux pas jeûner, il est malade, il ne peut pas jeûner. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit d'accord. Tu ne jeûnes pas, mais qu'est-ce qu'il devra faire? Barakallah, c'est qu'il devra rattraper son jeûne. Vous voyez, quand je pose la question à une personne, tous ceux qui répondent autour de lui, j'entends pas. Ça? T'as entendu toi? Non plus? Toi Adam, t'as entendu? On n'entend pas. Sahlala. Quand on pose la question à une personne, c'est elle qui répond. Wadah, s'il ne peut pas répondre, ses frères l'aident. Wadah, tayyib. Donc on lui dit, jeûne. Il dit, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on lui dit? À ce moment-là, il rompt son jeûne, mais il devra rattraper un nombre de jours égal. من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى الله dit dans le Coran, celui qui parmi vous est malade ou en voyage, تقدروا فافطر طيب donc ماذا يقرا rattrape un nombre de jours égal. Ça c'est pour celui qui a rompu le jeûne. Celui qui a jeûné en étant malade, son jeûne est malade. طيب celui qui a une maladie de longue durée comme le diabète, ou un cancer, ou il n'espère pas la guérison, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Yuftir, wa yut'im. Il rompt son jeûne, d'accord, il ne jeûne pas car il n'a pas la capacité, mais pour chaque jour où il n'a pas jeûné, qu'est-ce qu'il devra faire? Nourrir un pauvre. Il devra nourrir un pauvre. Est-ce qu'il peut commencer à nourrir un pauvre avant le fait ou pas? Non, parce que nourrir un pauvre, ça remplace quoi? Est-ce qu'il y a, on commence quand? Au fait. Donc il peut commencer, mais que après le fait. Est-ce qu'il est obligé de faire yom biyom? Ou bien il peut attendre une semaine, faire cette personne, une deuxième semaine, cette personne, ou attendre la fin du mois et faire tout en même temps? Il y a 12 ans, il y a 12. Il y a 12. Qu'est-ce qui faisait cela parmi les sahabes? Lorsqu'il a pris de l'âge. Non? Comment tu t'appelles? Non, pas toi. طيب انس ابن مالك انس ابن مالك طيب donc tu peux faire jour après jour ou tu peux réunir certains jours tu peux carrément attendre la fin du mois tu peux attendre carrément la fin du mois طيب la meilleure façon de faire l'it'am c'est comment la meilleure façon donc ce que je vise dans ma question c'est est-ce qu'il donne des denrées alimentaires, ou est-ce qu'il prépare à manger, ou est-ce qu'il invite, voilà, kaza. Le mieux c'est de préparer. Taïeb, il peut donner comme ça directement. Taïeb. Maza, al-khudra. Ensuite, al-iqama, le fait d'être résident, ne pas être en voyage. Le voyageur a la permission de jeûner ou pas. Donc il a la permission de rompre son jeûne. Naam. Celui qui est considéré voyageur religieusement, d'accord, beaucoup de savants voient que c'est à partir de 80 km. Il y a une divergence sur ça. Donc celui, quoi qu'il en soit, celui qui est en voyage a la permission de rompre son jeûne. Mais s'il jeûne, son jeûne est valable. Enfin, quel est le jugement du jeûne en voyage? C'est une bonne chose, c'est recommandé. Le mieux c'est de jeûner, de ne pas jeûner. Anne. Moi je t'interroge. Quand t'interroges pas, tu parles, quand t'interroges, tu réponds pas. Aïe. Donc, je répète la question. Tu es en voyage, tu vas à Umrah, Inch'Allah. Est-ce que le mieux pour toi, c'est de jeûner ou de rompre ton jeûne? Ou bien ça dépend. Si tu me dis ça dépend, pense pas que tu t'en sors comme ça. Tu dois dire pourquoi ça dépend. Et si tu sais pas, tu sors de tout ce problème avec une parole. Allahu a'lam. Naam, kalima tayyiba. Tayyib, inda man? Anta khan. Ma'ak jawab? Allahu a'lam. Jawab sahih da'im. Allahu a'lam, c'est toujours une bonne réponse. Mais, on attend la réponse. Le mieux pour lui, c'est de jeûner. Le mieux, c'est de ne pas jeûner. Donc là, il y a une divergence. Hein? Il y a une divergence. Il y en a un qui dit le mieux, c'est de jeûner, l'autre qui dit le mieux, c'est pas de jeûner. Taïb, comment on fait quand il y a une divergence? Hein? Quand il y a une divergence, comment on fait? Indamen. On revient au Coran à la Sunna. Taïb, vous êtes d'accord avec nous ou bien on a quelque chose? Avec la compréhension des vieux prédécesseurs. Il y a une divergence, on revient au Coran ensemble avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Ou bien, est-ce qu'on doit dire par exemple Salim, t'es un quoi? T'es un Algérien ou tu dis? T'es un Algérien? On dit salim, c'est un intérieur, donc ça doit être la bonne parole. Et lui, c'est un malien, Allah a'alam. C'est bon ça ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, Adam? Ben, c'est pas bon, c'est af'al ahli jahil. Hein? Nahnu ahli sunna, ماذا نقول? اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء صح ولا لا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول طيب والايات كثيره جدا في هذا الباب دونك الاحسن الايسر له الاحسن الايسر له كيل لا ميور شوز بور لوي C'est ce qui était le plus facile. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla veut pour nous quoi? La facilité. Le mieux pourquoi, comme a dit l'Allah Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, al-aysar lah. C'est le plus facile pour nous. Nous hada ad-din. Subhanallah. As-samaha min hada ad-din wa at-taysir min hada ad-din aw fi ad-din bal fi ad-din. Ad-din kulluhu taysir. La religion tout entière c'est la facilité. Et quelle facilité plus grande que de se soumettre à son Seigneur, puis d'entrer dans le Jannah dans l'au-delà, après être entré dans le Jannah de ce bas monde de la connaissance d'Allah. Wal-unsubih, wa-shawqu ila liqa'i, Jalla wa'ala. Donc, le mieux pour toi, c'est de faire ce qui t'est le plus facile. Certaines personnes, pour elles, le plus simple, c'est quoi? C'est de jeûner en voyage. Hein? Parce qu'il y a le groupe. Parce que tout le monde jeûne, parce que les commerces sont fermés. Voyez. Pour d'autres personnes, c'est mieux de jeûner chez elles. Pourquoi? Parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a Maza, la maman pour faire à manger, ou bien son épouse, ou bien ça. Donc, al-amr ikhtalif bi ikhtilaf al-ashkhas. Voyez. Une autre question. Celui qui nous répond, pour moi, en voyage ou chez moi, c'est égal. D'accord, c'est la même difficulté, ou bien, n'aam, la même difficulté. Dans ce cas-là, on lui dit, alors jeûne. Le mieux, alors, c'est de jeûner. Pour plusieurs sagesses, c'est abra li dhimma. Il se sera acquitté de son obligation plus rapidement. On ne sait pas de quoi demain est fait. Deuxièmement, il aura jeûné fi shahri ramadan, hada shahri mubarak. Il aura jeûné pendant le mois de Ramadan et de jeûner durant le mois de Ramadan est meilleur que de rattraper en dehors du mois de Ramadan son jeûne de Ramadan. Et troisièmement, il aura jeûné avec Al-Jama'a. Il aura jeûné avec le groupe. Il reste un point dans les conditions d'obligation, lequel? Un point propre aux femmes. Même si on a une époque où les hommes veulent prendre la place des femmes dans certaines choses, mais bon. Naam, les menstrues. Taïb. Les menstrues et les lochis. C'est quoi la différence entre les menstrues et les lochis? Les lochis, c'est ce qui vient après al-wada', après l'accouchement. Taïb. Certains hommes sont tellement égarés que s'ils avaient pu prendre la place des femmes dans le haïd, ils l'auraient pris. Sah. Yani, fasad al-akhlaq. والمروءه والفطره طيب بالغ يعني منتهى الضلال les gens sont arrivés au paroxysme de l'égarement l'homme veut être une femme la femme veut être un homme طيب الله عجل عجل نسال الله العافيه الحمد لله celui qui vit dans l'islam il aura la meilleure aqida les meilleurs akhlaq, les meilleurs ibadat, le meilleur comportement, il sera le meilleur dans tout. Il sera le meilleur dans tout. Celui qui vit dans l'islam, qui apprend l'islam, qui met en pratique l'islam, sera le meilleur dans tout. Au point où certains parmi les associateurs et les mécréants viennent chercher dans l'islam des réponses à leurs problèmes aujourd'hui. Sur l'obésité, sur les problèmes nafsiyya, les amrad nafsiyya. Les problèmes psychologiques, maintenant ils cherchent dans l'islam leur solution. Pourquoi? Ils ont vu que tout le problème est chez eux. Pour la cigarette, pour les drogues, pour l'alcool. Voyez? Ils ouvrent des centaines et des centaines de centres. Dans l'islam, on n'a pas besoin de centaines et centaines de centres. Qala Allah, qala Rasulullah, on règle tous les problèmes. Voyez? Ataktul al-Fusakum. Inna Allah kanabikum rahimah. Khalas. Tu règles beaucoup de problèmes. Une ayah. du Coran, tu règles beaucoup de problèmes. طيب, avec le comportement qu'il y a dans l'islam, tu règles beaucoup de problèmes. On a fini avec shurut wujub as-siyam. D'accord? Donc, son nombre de 6, l'islam, la raison, la puberté, la capacité, le fait d'être résident et l'absence de menstrue et de louche. طيب, الآن سندخل في مسائل تتعلق برؤية الهلال. Nous allons désormais entrer dans des questions ماذا se rapportant à la vision de la lune. Comme la plupart d'entre nous le savons, الصوم أو بداية الشهر دخول الشهر متعلق بماذا برؤية الهلال طيب أو غير ذلك طيب. Quels sont les signes par lesquels on va témoigner de l'entrée du mois de Ramadan et donc jeûner, d'accord, le jeûne de Ramadan? Par un de deux signes. Le premier signe, ru'yatul hilal, c'est le fait de voir la lune, d'accord, c'est le fait de voir la lune un jour avant la fin du mois. Les mois lunaires sont soit de 30 jours, soit de combien? De 30, de 29. Ça, il n'y a pas autre que ça. Soit c'est 29, soit c'est 30. Donc on cherche la lune. On cherche la lune. Si on ne trouve pas la lune, si on voit la lune premièrement, si on voit la lune, donc une personne de confiance ayant une bonne vue qui voit la lune, il informe l'autorité et on ordonne aux musulmans de jeûner le lendemain. Est-ce que c'est wadih? C'est clair? Awwalan ru'yatul hilal min shakhsin thiqa qawi al-basr. Donc trois choses. Une personne, d'accord, que ce soit un homme, une femme, peu importe, de confiance, qui a une bonne vue. À la base, le shahada, pour combien de personnes? Pour le shahada. Qui sait? À la base, pour combien de personnes pour un témoignage? Faut deux personnes. L'asr dans le shahada, faut deux personnes. Mais ici, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer qu'il faut qu'une seule personne? Faut une preuve. C'est le hadith d'Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, قال ترى الناس الهلال. فرأيت الهلال فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن يصوموا. Abdullah ibn Omar nous dit, les gens ont cherché la lune. J'ai vu la lune, parce que la sunna, c'est de chercher la lune. Ça n'existe pas le fait de prédire et de définir en avance. Ça n'a jamais existé. Allah Azza wa Jal a rattaché l'entrée du mois à deux signes. Le premier, c'est ru'yatul hilal, le fait de voir la lune. Si on voit la lune, on jeûne le lendemain. Abdullah ibn Omar a vu la lune, on a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier a ordonné aux musulmans de jeûner le lendemain. Si on ne voit pas la lune, et que le ciel était clair, d'accord, la robar ou la raye ou la chef, qu'est-ce qu'on devra faire? Ikmal Sha'ban 30 jours. Le deuxième signe qui nous permettra de jeûner, c'est le fait de compléter le mois de Sha'ban, celui qui précède le mois de Ramadan, 30 jours. D'accord? Si le ciel est clair et que nous ne voyons pas la lune, nous avons l'obligation de continuer Sha'ban 30 jours. Et de commencer le jeûne du mois de Ramadan qu'après ça. Bi'ij. Hatan al-mas'alata mujmi'ata 'alayhi. Tayyib. Sur ces deux questions, il y a le ijma' des savants. Le consensus des savants. C'est-à-dire, on voit la lune, ou bien on n'a pas vu la lune, le ciel est clair, on complète 30 jours. Ça, il y a le consensus. Il y a une divergence sur quelle mas'ala? Fima idha kana al-sama. أو في السماء غيمة طيب أو غبار أو شيء يعني غبار يعني منعنا من تمام الرؤية ووضوح الرؤية في ذلك اختلف أهل العلم. Donc il y a divergence dans un cas, lequel, si le ciel n'était pas clair, il y avait par exemple de la brume ou bien un orage ou bien du comment dire du sable qui remontait dû à une tempête et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, la vue de la lune était obstruée par une quelconque raison. Certains parmi les savants, il y a divergence dans cette question. Certains parmi les savants ont dit on jeûne ihtiyat par sécurité. D'accord? D'autres ont dit on ne jeûne pas. D'autres ont dit on ne jeûne pas. Voyez? Et chacun ont amené des preuves. Voyez? Les deux parties ont amené des preuves. Ceux qui ont dit, enfin, on va commencer par Al-Qawl Rajah, d'accord, l'avis le plus plausible est de dire qu'on ne doit pas jeûner. Plus encore, nous avons l'interdiction de jeûner. Si le ciel n'est pas clair et que nous n'avons pas la lune, on a l'interdiction de jeûner le lendemain. On doit continuer Sha'ban 30 jours. On doit compléter Sha'ban 30 jours et ne jeûner qu'après cela. La preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبًا ثَلَاثِينَ يَوْمًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été cité dans le Bukhari et le Muslim, طَيِّبْ صُومُ لِرُؤْيَةِ وَأَفْتِرُوا لِرُؤْيَةِ وَأَفْتِرُوا لِرُؤْيَةِ. Donc jeûnez lorsque vous la voyez, c'est-à-dire la lune, et rompez le jeûne lorsque vous la voyez, c'est-à-dire la lune. Et si la vue vous a été obstruée, complétez le mois de Sha'ban 30 jours. Donc ça, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et ça, c'est l'avis de beaucoup de savants. Et ce qui nous permet de dire que c'est interdit de jeûner est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maza, ou bien la parole du sahabi, si je ne me trompe pas, Abu Huraira. Maza, man qad la ou khala muslim la tuqaddamu maza ramadan bi siyam yawmin ou yawmin illa rajulun kana lahu sawm falyasum. وقول الصحابي نهاني خليلي أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم أو يومين قبل رمضان ثم قال ومن صامه فقد عصى أبا القاسم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de jeûner un jour ou un ou deux jours avant Ramadan. D'accord? Certains pourraient jeûner, pourquoi? Par précaution. Se dire, comme ça on est sûr qu'on n'a pas raté dans Ramadan. Non. Ça c'est de l'exagération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela. Et Ibn Abbas radiallahu anhu réprimandait ceux qui jeûnaient sans avoir vu la lune avant de compléter le mois de Sha'ban, comme a cité l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Ceux qui ont dit qu'on doit le jeûner ont utilisé un athar d'Ibn Omar. Ibn Omar, lui, jeûnait. D'accord? Ibn Omar, radiallahu anhu, lui, jeûnait. Mais il n'ordonnait pas aux gens de jeûner. Donc les savants disent, jeûnait lui. D'accord? Mais il n'ordonnait pas aux autres de jeûner. Donc la mas'ala est shihadiyya, mais, yani, les adillas sont plus forts. طيب من بدي التنطع يعني لعل هذا لا يناسب المقام le fait de dire que c'est de l'exagération de manière mutlaqa, peut-être que c'est une exagération de ma part, il ne convient pas de dire cela. طيب mais on revient au hadith parce qu'il y a un khilaf quand même, donc il ne convient pas de dire التنطع والله اعلم. طيب. Donc l'avis le plus sûr, c'est de dire qu'on ne jeûne pas. On ne jeûne pas tant qu'on ne l'a pas soit vu la lune, soit complété le mois de Sha'ban 30 jours. Si quelqu'un, malgré ça, prend l'avis qui dit qu'on jeûne dans le doute. Puis, il s'avère que c'était effectivement le premier jour de Ramadan. Est-ce que ce jour-là sera bon ou bien il devra le rattraper? Est-ce que vous avez compris ma question? La personne qui a jeûné dans le doute, sans avoir vu la lune ni complété 30 jours. D'accord? Puis il se rend compte que, effectivement, ce premier jour était le premier jour de Ramadan. Premièrement, comment savoir que c'était le premier jour de Ramadan? Comment savoir? C'est un cas particulier. Hein. Il y a des gens qui se permettent de reconnaître le croissant lunaire à partir de sa forme. Ça y est. Que c'est le premier, deuxième. D'accord. Mais là, ça va pas être la réponse. Ça, c'est bon. Mais ce n'est pas la bonne réponse. أحسن بارك الله فيك ماذا إذا رؤي الهلال أي الهلال شوال متى يعني قبل 39 يوما donc quelqu'un va savoir que ce jour effectivement le jour du 12 c'est le premier jour de Ramadan si à la vision du croissant de lune ou bien au Eid hein il n'y a eu que 28 jours. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il manquait un jour. Donc cet homme-là aura jeûné le premier jour de Ramadan. Dans ce cas-là, est-ce que ce jour lui est comptabilisé ou pas? Il dit par exemple, moi je vais le jeûner dans le doute. Moi je vais jeûner ce jour dans le doute. Comme ça, si c'est Ramadan, alhamdulillah, j'aurai jeûné mon jour. Si ça n'est pas Ramadan, j'aurai rien à rattraper au monde. Ce jour-là, est-ce qu'il est comptabilisé ou pas? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il est bon son jour ou pas? Il n'avait pas l'intention. C'est pratiquement ça. Le fait que son intention n'était pas force. Il était dans le doute. Il a dit si c'est Ramadan, je jeûne, ou bien ça me sera comptabilisé pour Ramadan, dans le cas contraire, je n'aurai pas à attraper. Il n'a pas eu la niya. Il n'a pas eu la niya comme il le fallait. Alors son jeûne n'est pas comptabilisé en tant que jeûne de Ramadan. Il devra rattraper ce jour. Il devra rattraper ce jour. Ça y est. Donc il n'a pas eu al-jazm. Naam. Voilà. Vous voyez? Parce que ça ne peut pas être 28. Au minimum, c'est 29. Vous voyez? Une mas'ala qui revient tout le temps. Une mas'ala qui revient tout le temps. Vous voyez? On a parlé de l'entrée du mois. On n'a pas cité la sortie du mois. Bima yasbutu khuruj ash-shahr. On a cité que l'entrée du mois est affirmée par une de deux choses, la vision de la lune, d'accord, pour le 29, et ou bien compléter 30 jours. Certaines personnes pourraient ne pas comprendre. Comment ça 29, la nuit? Parce qu'en fait, dans les CD Maza, quand on parle en jour lunaire, ça commence la nuit. Vous avez compris? Quand on parle en jour lunaire, ça commence la nuit. C'est pour cela qu'on parle de la nuit avant le jour. La nuit précède le jour. Par exemple, si on voit, ça partir de quand la nuit, ça partir du Maghrib. La nuit précède le jour. Si on voit la lune, la nuit du 29, c'est pour ça qu'on peut jeûner le 29. Quelqu'un pourrait se dire, mais dis le 29, donc ce sera le 30. Non, parce que la nuit précède le jour. La nuit précède le jour, la preuve. Est-ce qu'on fait Tarawih après avoir jeûné la première fois ou bien on fait Tarawih avant d'avoir jeûné la première fois? Avant, pourquoi? Parce que la nuit précède le jour. Voyez, une autre mas'ala. Celui qui jeûne dans son pays, puis il voyage. D'accord? Soyez attentif. Celui qui commence un jeûne dans son pays, ou dans un pays, puis il voyage. Et le premier pays n'a pas vu la lune au même moment que le deuxième pays. Donc le premier pays a commencé à jeûner avant, un jour avant. Et le deuxième pays, un jour après. Donc. Si ce n'est que le deuxième pays s'arrête à 30 jours. Est-ce que vous voyez le problématique ou pas? Le deuxième pays s'arrête à 30 jours. Ayant commencé un jour après le pays de cet homme, que va-t-il se passer? Il va se retrouver avec 31 jours s'il jeûne avec ce pays. Vous avez suivi le problème? Une autre problématique, le contraire. Il part de son pays et n'a pas vu la lune. Il part de son pays en jeûnant. Il arrive dans un pays où ils ont vu la lune avant. Ça, ils ont vu la lune avant. D'accord? Il se retrouve donc, et là cette fois-ci c'est le 29e. Quel sera le problème? Il aura jeûné combien? 28 jours. Est-ce que c'est possible qu'on se retrouve qu'avec 28 jours? Non. Donc des deux côtés on a un problème. Dans un côté il aura jeûné que 28, dans l'autre côté il aura jeûné 31 jours. Comment faire? Ça c'est le mas'ala, les mouhim m'a dit, c'est très important. Elle arrive. Pourquoi les gens font l'amra, les gens vont dans leur famille, les gens vont dans leur pays respectif, musulmans, et ainsi de suite. La première mas'ala, celui qui est parti de son pays, en état de jeûne, il arrive dans l'autre pays, ce pays-là a vu la lune le lendemain, et jeûne 30 jours. Arrivé au 29e jour, il a 30 jours. Ça? Qu'est-ce qu'il devra faire? Qu'est-ce qu'il devra faire? On pose beaucoup de questions aujourd'hui. Ça, c'est une tariqa dans Talib Ilm. C'est une des tariqas dans Talib Ilm. Al-Aswal wal-Jalam. C'est une tariqa nabawiyya salafiyya. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. وفي صلى الله عليه وسلم يتاك معاذ يا معاذ سيتو كيلي لو دغوا الله سو سيرفيتور كيلي دغوا سيرفيتور سو ماذا سو الله معاذ يقول الله سو ميساج سو بلو سام خو سيل لو لا ريبونس بلان بلان بلان بلان دو كيسيون دو بروفيس صلى الله عليه وسلم بور انسيني او صحاب اي كيلي لو حديث لو بلو كونو سو سا Hein? Hadith Jibril. Hadith Jibril, lorsque Jibril est venu questionner le prophète sallam, il l'a questionné sur l'islam, sur l'iman, sur l'ihsan et sur Asharat al-Sa'a. Ou bien sur Asharat al-Sa'a, sur Asharat al-Sa'a. Donc il n'y a pas à être étonné de cela. Certains parmi les savants, leur cours, la majeure partie de leur cours, c'était ça. Un cours de 10 minutes, ensuite poser des questions-réponses pour premièrement enseigner et deuxièmement vérifier la compréhension du parcours. Et ça, c'est important. Enfin, donc, qui est-ce qui peut répondre au premier cas? C'est quoi le premier cas? C'est qu'il se retrouve à 30, à avoir jeûné 30 jours, mais le pays dans lequel il est venu, il lui manque un jour. Ou bien il va continuer un jour. Ils ont fixé une date. Allah s'il. On va pas rentrer dans cette masse là parce que c'est celle qui vient juste après. Probablement que ça va se passer cette année. وجواب مع الشيخ من جواب ايوه طيب هاي كي على ريبونس و كي بونس افوار لا ريبونس نعم سعيد 30 جور vous êtes d'accord ou pas? Toi t'es d'accord? Toi t'es pas d'accord? Fais un jeûne sur regarde-toi. Ça c'est une troisième parole. Ça c'est une troisième parole que je connaissais pas. Oui. Il suit le pays où il est. Où il se trouve, d'accord. Même s'il fait 31. Non, il va pas faire la vie tout seul. Le problème est là, il est là. Le frère dit sinon il va faire la vie tout seul. طيب. دونك il y a une divergence. Vous pouvez pas vous mettre d'accord pour une fois. Le plus logique, c'est qu'il continue. Le plus logique, c'est qu'il continue. Mais est-ce que la religion s'est basée sur la logique, cher frère? Non. Non. D'accord. Alors la logique, pour l'instant, on la met entre parenthèses. Car Ali ibn Abi Talib a dit si l'islam, c'était avec la logique, on aurait fait le masque en dessous des chaussettes. En dessous des chaussons. Alors qu'on le fait au-dessus. Voyez. Donc, Al-Jawab, la réponse. Celui qui a commencé à jeûner dans son pays. Ensuite, il a voyagé. Il arrive dans le pays. Et ce pays-là continue le jeûne après que lui ait complété 30 jours. Ben, il jeûne avec eux 31, son 31e jour. Voilà. Il continue à jeûner avec eux même si ça fait 31 jours. Pourquoi ? Parce qu'il doit suivre le pays où il est. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطركم يوم يفطر الناس. يفطر الناس, c'est le jour où les gens auront le jeûne. Donc tu dois toujours suivre le jama'a. Et ça c'est من القواعد العظيمة من قواعد الشريعة الاجتماع. Il doit suivre le groupe, et ça c'est une des grandes règles dans la législation musulmane. L'union, le groupe, de toujours suivre le groupe, de ne pas diviser, de ne pas s'éloigner, de ne pas fragmenter la communauté. Voyez. Voyez. Dans le cas où aussi, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que c'est un autre compte. C'est pas le compte de son pays de base. C'est le compte du pays où il est venu. Donc, c'est pas un problème qu'il ait rajouté un jour. Car en vrai, c'est comme s'il n'avait pas rajouté de jour. D'accord. Dans le cas où il est parti de son pays et qu'ils ont vu la lune plus tard. D'accord. Et qu'il est arrivé dans ce pays et qu'ils l'ont vu plus tôt. Donc, il va arriver au final et il lui manquera un jour. Il arrive à 28 jours. Et dans ce pays, le lendemain, c'est l'Aïd. Là, c'est problématique. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le Aïd avec eux. Il fait le Aïd avec eux, il coupe. Et après le Aïd, il rattrape un. Encore une fois, il suit Al-Jama'a. La première réponse, on aurait pu la trouver. Celle-ci, elle est plus subtile, pour ne pas dire compliquée. Est-ce que c'est wazah? Ça peut tous nous arriver. En voyageant, tu arrives, tu as fait 30, si tu jeûnes, ça fera 31 jours. Ou bien si tu ne mazas, ou bien si tu arrêtes ton jeûne, ça fera 28 jours. Mais tu n'as pas le droit de jeûner le jour du Eid. Comment tu vas faire? Tu romps le jeûne. Tu fais l'Eid avec ces gens-là, et ensuite tu rattraperas par la suite un jour. Une autre mas'ala concernant Ru'yatul Hilal, la vision de la lune. C'est la question qui est connue sous le nom de Mas'alatu Iltihad al-Matali'a. Est-ce que, en d'autres termes, est-ce que chaque pays a sa vision de la lune, ou bien si un pays a vu la lune, tout le monde doit jeûner? Vous avez compris la question? Est-ce que chaque pays a sa vision? Par exemple, nous, on est en France, on regarde, on cherche la lune, on voit la lune, on jeûne, mais le pays voisin, en Belgique, ils n'ont pas vu la lune, alors ils ne jeûnent pas. Ou bien, est-ce que au Maroc, ils voyaient la lune, alors nous, en France, on jeûne parce qu'ils ont vu la lune? Ou bien chacun a sa vision? Les savants ont divergé sur cette question. Ça, c'est un khilaf qui est ancien. C'est pas une divergence qui date d'aujourd'hui. Et la parole la plus forte est de dire que chaque pays a sa vision. Sauf les endroits qui sont très proches, les régions qui sont très proches, parce qu'ils auront le même mazah, le même je sais pas si on dit yani, comment on va traduire ma parole, yani fuseau ou ma adriash. Fuseau horaire, je ne saurais pas comment traduire. Taïb. Donc mazah, si un pays, par exemple, en Algérie, il voit la lune. Mais qu'en France, on n'a pas vu la lune, ben on ne devra pas jeûner. On ne devra pas jeûner. D'accord ? Est-ce qu'on ne jeûne pas parce que c'est des Algériens, Adam ? Non. Voyez ? Parce qu'on n'a pas vu la lune. Est-ce que c'est wadah ? Et de, avec ça, on va mettre fin à quoi ? À la division qu'on voit régulièrement. Il y en a qui disent, non, on jeûne avec l'Algérie, d'autres disent, non, on jeûne avec le Maroc, d'autres disent, non, avec l'Arabie Saoudite. Là, subhanallah. Faut pas, yani, faut jeûner avec le groupe. Si en France, on dit que c'est tel jour, tout le monde doit jeûner tel jour. Ça, c'est mon imjidban, ça, c'est mon maqa, c'est le sharia. Ça, c'est une règle qui est très très importante. C'est un des buts dans la législation, l'union. Même si toi, c'était pas ton avis, et que le groupe est sur telle chose, hein, le groupe est sur telle chose et que le responsable des musulmans est sur telle chose, tu ne dois pas contredire cette chose. Comme a dit Ibn Mas'ud, vous voyez qu'Amina, il fallait faire telle chose. Et Osman, vous voyez qu'Amina, fallait faire telle autre chose. Et Osman, c'était lui le gouverneur. Ben, Ibn Mas'ud, il faisait comme Osman, il complétait. La division, c'est mauvais. Alors que lui, c'était pas son avis, mais il ne voulait pas diviser le groupe. Et vous ne voulez pas diviser le groupe. Taïb, sahib sunnah, alayhi wa sallam, celui qui dit que qui suit la sunnah. Taïb, il doit comprendre ces choses-là. Il ne doit pas dire, non, moi j'ai mon dalil, khalas. Là, reviens à Ahlil Ilm. Reviens à Ahlil Ilm. Taïb, yadullah ma al-jama'a. Al-jama'a tu rahma al-furqa tu adha. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous a enseigné ici que même si toi tu voyais une chose, tu devais suivre le groupe. Tu dois suivre le groupe, ça c'est muhim jiddan. D'accord, tu ne dois pas mazah faire scission avec le groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le groupe c'est la miséricorde. Et la division c'est le châtiment. D'accord. Il nous appelait au groupe tout le temps. Tamam. Donc chaque pays a sa vie. Quelle est la preuve de cela? Ibn Abbas radiallahu anhu à son époque. Le gouverneur c'était Muawiyah, il était fils Sham, radiallahu anhu. D'accord. Un homme qui arrivait de Sham vers la Syrie et ainsi de suite, radiallahu anhu, est arrivé et eux avaient vu Al-Hilal Jum'a, le vendredi, la nuit du vendredi. Alors ils ont jeûné. Arrivé à Al-Madina, ils leur ont dit, vous ne jeûnez pas, on a vu la lune le vendredi. Ibn Abbas a dit, mais walakinna ra'ayna al-hilal laylat as-sabt. Il lui a dit, mais nous on l'a vu samedi. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Est-ce qu'Ibn Abbas a suivi la vision de la lune de l'autre pays, ou bien il a suivi la vision de la lune de Médine? Il a suivi la vision de la lune de Médine. Et certains savants, comme Cheikh Sulaiman Rahili, Hafidhahullah Ta'ala, nous dit وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا رَأِي الصَّحَابَ أَيْضًا لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُتَوَافِرِينَ فِي الْمَدِينَةِ وَحَتَّى رَأِي مُعَاوِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ لَمْ يَأْمُرُ مَاذَا وَكَانَ خَلِيفَ الْخَلِيفَةَ الْبُلْدَانِ بِالصِّيَامِ. Donc, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous dit, c'est la vie d'Ibn Abbas, et ce qui apparaît, c'est aussi la vie des Sahaba, car à Médine il y avait des Sahaba, et on n'a pas connu, ça n'a pas été connu qu'ils l'ont contredit dans cela. Et Muawiyah lui-même, qui était le gouverneur, n'a pas ordonné aux autres pays de jeûner ce jour-là, en apparence. Donc chaque pays suit sa vision. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soumou li ru'yati. Donc il a donné à chaque groupe sa vision. Par contre, si c'est le gouverneur qui dit de jeûner, alors à ce moment-là, il n'y a plus de khilaf. Dans une mas'ala ijtihadiyya, si le gouverneur dit c'est comme ça, on ne doit plus diverger. Dans une mas'ala ijtihadiyya, si le gouverneur dit c'est comme ça, on ne doit plus diverger. Parmi ce qui a plus cette parole-là, c'est que le temps n'est pas le même dans les différents pays. Par exemple, le Maghrib en France, est-ce que c'est le même Maghrib qu'en Arabie? Non. Si on dit qu'on suit, est-ce qu'on suit dans le tel Maghrib, par exemple, parce que c'est le Maghrib dans tel pays, on va faire le Maghrib en avance ici? Non. Ou alors, ce sera une heure en avance, peut-être dans tel pays. Est-ce qu'on va couper le jeûne avec tel pays aussi? Non. Chaque pays suit, ses horaires. Par contre, les pays qui sont proches, les régions qui sont proches, ça peut être la même chose. ça peut être la même chose. Donc, le résumé, c'est que chaque pays a sa vision. D'accord. Une autre mas'ala qui concerne la vision de la lune. Si tu es tout seul à avoir vu la lune, et que tu en informes l'autorité, et qu'il n'accepte pas ton témoignage, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas jeûner tout seul? Ou bien est-ce que tu vas suivre le pays? Hein? On jeûne parce qu'on a vu la lune. On ne jeûne pas. Qu'est-ce qu'on fait? On suit le pays. On suit le pays. On suit le jama'a. Le jama'a, c'est une qaïda chez vous maintenant. Khalas. Le jama'a, on suit le pays. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattaché le jeûne au groupe. Soumou li ru'yati. Soumou, le jama'a. Taïd. Aussi, soumoukoum yawma tasoumoum. Votre jeûne, c'est le jour où vous jeûnez. Donc, c'est en groupe le jeûne. Ça ne peut pas être tout seul. C'est wa'ba. Donc, il ne jeûne pas. Il suit le groupe. Il y a une divergence sur ça. Certains savants disent qu'il jeûne en cachette. D'accord? Il jeûne sans le dire. Parce que lui, il est convaincu. Et il faut le témoignage d'une seule personne. Et lui, c'est une personne. Mais à partir du moment où le gouverneur a rejeté son témoignage, l'avis le plus fort chez beaucoup de savants, c'est de dire qu'il ne jeûne pas. D'autres ont dit qu'il jeûne. Parce que lui a vu la lune. Par sécurité, il jeûne. Wallah a'lam, l'avis le plus fort, c'est de dire qu'il ne jeûne pas. Pourquoi? Parce qu'on a rattaché le jeûne au groupe. Au groupe. D'accord, le cas contraire pour la sortie du mois. Pour la sortie du mois. La même question, mais pour la sortie du mois. Si il dit avoir vu la lune de Shawwal et qu'on n'accepte pas son témoignage, qu'est-ce qu'il fait? La question, elle est plus facile. Si vous avez retenu, les premiers cours, vous allez pouvoir répondre facilement. Il va continuer à jeûner. Parce qu'on a conditionné deux personnes pour Dukhul al-Shahr yushtarat maza al-wahid wa fi khuruj al-Shahr yushtarat al-rajulan. Pour la vision du mois, de la lune du mois de Shawwal, on conditionne deux personnes, pas une personne. D'accord? De toute façon, la base, hein, le témoignage, c'est deux personnes. Une faïda, certains savants disent pourquoi on accepte le témoignage d'une seule personne, contrairement à l'habitude. Pourquoi on accepte une seule personne dans l'entrée du mois de Ramadan? Ils ont dit parce que ici il n'est pas muttaham, parce qu'il va s'obliger quelque chose. Alors il ne va pas s'obliger quelque chose comme ça. Donc c'est qu'il a vraiment vu. Alors que pour la sortie du mois, ça peut être quelqu'un qui irait. Khalas, il est fatigué de jeûner. Alors il va dire, moi j'ai vu la lune. D'accord? Ou bien il en a marre de s'éloigner de son épouse, ou bien il en a marre de s'éloigner de la boisson, ou bien wahakada. D'accord? Wa fitrukum yawma tuftirun. Le prophète sallam a dit le jour où vous rompez le jeûne, c'est le jour où vous le rompez. Dans le sens en groupe. Le Eid, c'est en groupe. Le jeûne, c'est en groupe. Dukhul Ramadan, en groupe. La sortie de Ramadan, en groupe. Et ça, c'est une qa'ida dans din al-jama'a. C'est une qa'ida tellement muhimma que les sahaba, lorsqu'ils marchaient, parfois il y avait des arbres, des obstacles. Pensez-vous qu'ils faisaient comme nous? C'est-à-dire, par exemple, trois personnes qui passent à droite, deux à gauche? Non. Ils passaient tous du même côté. Ajib. Ça, c'est une jama'a. Ça, c'est un groupe. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné la suprématie sur la terre. Même pour passer, hein, un obstacle, subhanallah, ils passaient tous du même côté. Imaginez un groupe de frères, hein, et un poteau, un lampadaire, voyez, et vous les voyez tous passer du même côté. Et Ajib. Ça, c'est le jama'a. Et lorsqu'ils étaient en voyage et qu'ils s'arrêtaient, au début, chacun se mettait dans son coin pour avoir la tranquillité, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus et leur a dit « Hada l'iftirak minash shaytan ». Il leur a dit « Vous voyez cette division, chacun se met dans son coin ?» C'est minash shaytan. Sahabi qui rapporte ce hadith dit « À la fin, il n'y avait même plus de place. Tout le monde était collé. » Khalas. D'accord ?« Un hadith amal, hadith amal. » Hein ? Ils entendaient un hadith, ils mettaient en pratique. Un hadith, une pratique. « Amma nahni » Inna lillahi wa inna raji'un. Par contre, nous, khutab, muhadarat, tazkir, maw'ida. Hein? Et on attend encore, on attend. Pourquoi? Al-qulub qasat. والعلم نقص والعمل نقص والنية الله أعلم بها. Pourquoi nous on met du temps à mettre en pratique contrairement à ça, hein? Parce que les cœurs sont durs, parce que la motivation a diminué, parce que la science elle est faible, et parce que l'intention, Allah musta'an. On apprend pourquoi Allahu a'lam. Allahu a'lam. Astaghfirullah. Un des savants a dit, comment est-ce qu'on va réussir? Alors que l'enseignant, il fait son cours, il recherche dunya, et que l'étudiant, il prend le cours et il recherche shahada. L'enseignant, il recherche son salaire, et l'étudiant, il recherche son diplôme. En gros, pour dire que la niya, elle n'est pas bonne, l'intention, elle n'est pas bonne. Tu apprends pour connaître Allah, pour adorer Allah, Azza wa Jal, pour entrer fil jannah. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voici pour les questions se rapportant à Mada à la lune. Allez. Qu'est-ce qu'il nous reste à prendre aujourd'hui? Ce qu'il faut retenir, ou ce qu'on résume avant de passer à la suite, c'est que l'entrée du mois se fait par l'une de deux choses: la vision de la lune, ou bien compléter 30 jours si on n'a pas vu la lune. Le témoignage d'une personne de confiance ayant une bonne vue est suffisant. Enfin, pour la sortie du mois, par contre, il faudra deux personnes. Une mas'ala muhimma jiddan waqtu niyya. On va entrer dans Ramadan. À quel moment on doit mettre l'intention? À quel moment nous devons mettre l'intention? Pour le jeûne obligatoire, que ce soit Ramadan ou un autre, tu dois mettre l'intention avant le fajr. Avant le fajr. Celui qui a mis l'intention après l'entrée du jour, c'est-à-dire le fajr, son jeûne n'est pas valable. Il devra rattraper ce jour. Il ne mange pas. Il continue. Mais il devra rattraper son jeûne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la niya. Il n'a pas eu la niya du début. Tu ne peux pas mettre la niya pour un bout seulement. Tu dois avoir la niya du début et ne pas la couper. Donc, à quel moment on doit mettre la niya pour jeûner Ramadan? Avant le fajr, dans la nuit. D'accord? Même si c'est 10 secondes avant le fajr, c'est bon. Même si une minute, une heure, mais surtout tu n'entres pas dans waqt al-fajr sans avoir mis ton intention. Est-ce que c'est compris ça? Ça c'est important. Ça c'est une science obligatoire. Mais pour un jeûne surérogatoire, si c'est un jeûne nafil, par exemple dans Sha'ban, d'accord? T'as prié salat al-fajr, ensuite, maza, t'es resté au masjid, ensuite tu rentres chez toi. Arrivé plus tard, tu vois qu'il n'y a pas de pain, pas de croissant, pas de... comment on appelle ça? On dit des Kellogg's. C'est ça le quoi ismujiz, le nom général, des céréales. D'accord? Maza et t'as la flemme. Hein? T'es paresseux et tu veux pas aller à la boulangerie. Pourquoi? Parce que t'es plus chez tes parents. Donc ton père il va pas dire va acheter, t'as pas le choix. Ta mère va pas dire va acheter, t'as pas le choix. Ça? Taïb, comment? Et tu te dis, khalas. Alors je vais jeûner ce jour-là. J'ai rien mangé, j'ai rien bu. D'accord, j'ai rien fait, qui a annulé le jeûne, khalas. Je vais jeûner ce jour. Est-ce que ça c'est possible ou pas? Il n'a pas mis la niya avant le fajr. Mais c'est un jeûne surérogatoire. C'est possible. Avant je t'avais pas entendu, là je t'ai entendu. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas levé la main. Jazakallah khair. Khalas, toi tu connais tout maintenant, tu peux bientôt venir faire le cours à ma place. Tu pourrais m'absenter, inshallah, tu pourras venir. Enfin, à ma place, inshallah. Si Adam, il est d'accord. T'es d'accord, Adam? C'est toi le futur prof, inshallah. Taïb. Naam. Avant ça, juste, je m'excuse juste un instant. Quelle est la preuve de cela? Le hadith d'Aïcha, où le prophète sallam est rentré chez elle, hein, il lui a dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Elle a répondu quoi? Ça, c'est la maison de qui? Subhanallah. Ça, c'est la maison de Aïcha, radiallahu anha, Ummul Mu'mini. أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأفقه النساء. ماذا تقول؟ لا لا إله إلا الله سبحان الله. عائشة يقول on a rien dans la maison de l'homme le plus vieux le meilleur des hommes la meilleure cage dans la maison de son épouse préférée la femme la plus savante du monde. Aïcha c'est la femme la plus savante du monde, du monde, la femme qui connaissait le mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les choses de la maison ainsi de suite, la femme qu'il a, la personne qu'il a aimé le plus. Malgré ça il lui demande est-ce qu'il y a quelque chose à manger, elle répond quoi? Non. Ajib Allah. Ça te montre que Ad-Dunya, c'est pas un signe qu'Allah t'a aimé. Ad-Dunya, c'est pas un signe qu'Allah t'a aimé. Et la pauvreté n'est pas un signe qu'Allah ne t'a pas aimé. C'est Ad-Din qui compte. Ad-Din. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni idha sa'im. Alors je jeûne. Il a commencé quand à jeûner? Au moment où il a dit cette parole ou bien avant? Avant, lorsqu'elle lui a dit il n'y a rien, il a mis sa lumière. De ce hadith, les savants ont tiré que celui qui veut jeûner un jeûne surrogatoire, il peut le faire même après l'entrée du Fajr, même s'il n'a pas mis l'intention. À quelles conditions? Par exemple, moi là, j'ai mangé ce matin. Est-ce que je peux dire que je commence mon jeûne maintenant? Non. Alors, à quelles conditions? Qu'il n'ait pas commis un acte parmi les annulatifs du jeûne. Et ce sera notre cours de demain, inshallah ta'ala, mufattirat. Donc celui qui n'a pas commis un acte qui annule le jeûne, comme manger et boire, il peut commencer son jeûne, même après l'entrée du fajr, il met l'intention. Ça c'est l'avis le plus fort des savants. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit que c'est un hadith authentique, celui qui n'a pas mis l'intention dans la nuit, c'est-à-dire avant le fajr, il n'aura pas de jeûne. Son jeûne n'est pas accepté. Donc on doit mettre l'intention avant le fajr. Retenez cela, avant le fajr, sinon vous allez devoir rattraper ce jour. Voyez. Et le hadith que je vous ai cité de Aïcha, il est dans Sahih Muslim. Est-ce qu'une seule niya, هل نية واحدة تكفي طول الشهر أم لا بد من تبييت النية كل ليل؟ Est-ce qu'une intention suffit au début du mois ou bien est-ce qu'on doit mettre une intention chaque nuit? Naam. Une intention suffit pour tout le mois. À condition. Quelle condition? Que l'intention soit pour tout le mois et qu'elle soit mazal et simra, yani qu'il ne la coupe pas. Comment par exemple? Comment couper son intention? Une femme qui a mis l'intention au début du mois, mais sa ada shahriya vient par exemple au milieu du mois. Son intention, khalas. D'accord, ensuite elle est purifiée. Est-ce qu'avec l'intention du début du mois, elle va continuer son jeûne ou bien elle doit remettre une intention? Elle devra remettre une intention. Deuxième exemple, un voyageur. Il a jeûné un jour, deux jours, après il se rappelle, il dit subhanallah, l'imam a dit que le plus facile, le mieux c'est le plus facile. Ben aujourd'hui pour moi c'est dur de jeûner, alors je coupe mon jeûne. Le lendemain il se sent mieux, il veut jeûner. Est-ce qu'il se contente de l'intention du début du mois ou il devra remettre une intention? Il devra remettre une intention. Donc la règle est, une intention suffit pour tout le mois. Une intention suffit pour tout le mois à condition qu'il ne la coupe pas, qu'elle ne soit pas interrompue par un événement, comme la femme qui a ses menstrues, comme l'homme qui a rompu son jeûne parce qu'il avait la permission, parce qu'il était malade par exemple, ou parce qu'il est en voyage. Celui qui veut reprendre le jeûne, il devra alors remettre une intention. Voilà qu'il nous sahab tajdid al-niyya. يستحب تجديد النية كل يوم. Mais retenez également qu'il est recommandé, pas obligatoire, recommandé de, comment dire ça, revivifier ou de remettre une intention, renouveler plutôt na'am, c'est le mot le plus adéquat, renouveler son intention chaque jour. Tu mets l'intention pour le début du mois, mais c'est bien de revoir ton intention chaque jour. On s'arrête sur cela. Et demain, on reprendra sur Al-A'dhar Al-Mubiha Lil-Fitr. Les excuses qui permettent à la personne de rompre le jeûne. Les excuses qui permettent à la personne de ne pas jeûner. Voyez. Avant que j'oublie, la semaine prochaine, je serai absent. D'accord ? La semaine prochaine, je serai absent. Donc, il n'y aura pas cours. Le jeudi prochain et le vendredi prochain. Demain, on a cours comme à notre habitude, Inch'Allah Ta'ala. Mais sinon, je serai absent. Maza. On est ceci, ils disent pour cause professionnelle. Comme ça qu'on dit ? Oui. Vu qu'Allah Azza wa Jalla nous a fait l'honneur de nous mettre au service de la da'wah, Allah Azza wa Jalla nous a facilité également un voyage au Gabon pour aller prêcher l'islam. Donc je m'absenterai pendant 10 jours, ensuite je serai de retour, Inch'Allah Ta'ala. Il n'y aura donc pas cours. Si c'est, si tu l'annonceras, Inch'Allah, pour jeudi et vendredi prochain. Moi je vais l'annoncer, mais si les gens, il y en a qui ne sont pas d'ici, s'ils viennent, il n'y a pas cours, Jazakallah Khair. Vous avez retenu ceux qui sont là et qui connaissent, vous qui connaissez des personnes extérieures qui ont pas l'habitude de venir mais qui sont absents, tenez-les au courant afin qu'ils ne se déplacent pas jusqu'ici. Taïeb. Une sœur demande, une personne atteinte de maladie chronique, maladie de longue durée, si elle fait un repas, d'accord, pour les fidèles de la mosquée, est-ce que cela compte pour avoir nourri le pauvre ou pas? D'accord? Est-ce que vous avez compris la question? Pareil. Non, cela n'est pas valable, sauf si tous ceux qui vont venir manger sont parmi les pauvres. D'accord? Par exemple, Adam, Allah Mabel, il fait pas partie des pauvres. Si lui vient et mange dans le repas, est-ce qu'on compte pour un jour de Ramadan? Ou non? Non. Donc comment est-ce que la Ukhwa Fakah Allah va savoir que ceux qui ont mangé dans la tasse sont rentrent dans les conditions? Donc elle ne peut pas faire comme ça. Elle ne peut pas faire comme ça. Sauf, par exemple, elle voit avec le Mouazdin, et le Mouazdin, lui, il va dire à un tel, il connaît les gens. D'accord? Ou bien à l'imam, et l'imam connaît les gens. Et faire un repas, et on va mettre, par exemple, 5 personnes, et on sait que ces personnes-là rentrent dans les conditions, on va compter 5 000. Et bien sûr, on commence pas avant. Ça veut dire qu'on aura dépassé 5 jours de Ramadan. On peut pas commencer à nourrir avant l'entrée du jour. Est-ce que la réponse est claire? Voilà. Est-ce que c'est possible d'organiser cela avant Salat al-Fajr? Comme on a dit, c'est possible d'organiser cela avant Salat al-Fajr dans le cas où des jours sont passés. Mais d'organiser cela avant Salat al-Fajr, si elle entend par cela pour le jour à venir, non. Parce que on doit laisser entrer le jour pour pouvoir nourrir le pauvre. Voyez, Arsène, le frère pose une bonne question. Celui qui voyage et il poursuit son jeûne, d'accord ? Il part de tel pays, il part de France et le Maroc est à 22h. Il arrive au Maroc et le Maroc est à 21h. Il coupe avec qui? Est-ce du pays où il est parti ou du pays où il est arrivé? C'est quoi la règle? Al-Jama'a. Il suit Al-Jama'a. Il suit le pays où il est venu. C'est pas ça, j'ai mal compris la question. Répète-moi, Hamid. Je parle d'un pays qui jeûne Tu pars d'un pays qui jeûne. D'accord. Le frère dit non. Il part d'un pays qui a commencé le jeûne. Son premier jour de Ramadan. Il arrive dans un pays où ils n'ont pas vu la lune, ils n'ont pas commencé. T'arrives avant leur mardi. Avant le leur. Voyez, Allahu alam. Allahu alam. Voyez. Note-moi la question sur un bout de papier. Je vais essayer de poser la question à chez ou bien chercher la réponse. Non. Le frère dit, on a évoqué le sujet de l'intention. Comment se manifeste l'intention? L'intention, c'est une action du cœur. D'accord? C'est une action du cœur qu'on se dit intérieurement qu'on va faire telle chose ou telle chose, sans avoir de doute. Mais ça n'est pas une parole. On ne dit pas l'intention avec la bouche. On ne dit pas, par exemple, celui qui fait le maghrib, il ne dit pas salat al-maghrib. Et après, il dit Allahu Akbar, comme on entend. Non, ça c'est une faute. Ça c'est une faute. C'est comme si tu informais Allah de ce que tu allais faire. Allah Azza wa Jal. Khalla Alim. Chaque créateur est savant. Et Allah, c'est le seul créateur. Le créateur, retenez cette faïda. Al-Khaliq Alim. Qad. D'accord? Tayyib. Une question. Les responsables de France ont déterminé le début du mois plus yani en avance avec des calculs scientifiques, comme ils disent. Étant résident en France, si le début du mois ne concorde pas avec eux, comment faire? On a appelé certains savants pour poser cette question et ils ont dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils ont dit que c'est un malheur, c'est un grave problème. Le fait de déterminer l'entrée du mois en avance, c'est contraire avec ce qu'Allah nous a montré dans le Coran. Contraire avec ce que le prophète sallam nous a enseigné. D'accord? Et si on fait ça, on va faire mourir des sunnahs. Par exemple, la sunnah de regarder la lune. En France, Allah alam, ils font beaucoup cette sunnah. Dans les pays d'Afrique, dans les pays du Maghreb, c'est une sunnah. Tous les enfants sortent. Tout le monde sort. Même les vieux. Les personnes âgées. Et tout le monde cherche la lune. Ça, c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. On va délaisser la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va perdre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah rattache l'entrée du jeûne à des signes que tout le monde peut voir. Pour que ce soit, pour qu'il y ait un engouement collectif. Maintenant, si certaines personnes seulement vont regarder avec tel moyen, tel moyen, tel moyen, et le reste de la communauté vont faire quoi? Hein? Ça ne va plus devenir une action de groupe. Donc certains ont dit, yani on essaie de répondre à la question, et on dit yani que c'est une moussiba, c'est un mal. Donc je ne réponds pas à la question, mais pour dire que ça c'est une moussiba. Ça c'est une moussiba, certains vont dire qu'on va suivre. Alors tel pays, tel autre pays, le plus proche, qui ont regardé la lune, et ainsi de suite, et regardez subhanallah. Quand on sort de la sunna du prophète sallam, ça ramène quoi? Hein? La division et les soucis et la difficulté. La facilité, c'est As-Sunnah. La facilité, c'est As-Sunnah. Hein? Certaines personnes essaient de sortir d'Islam pour aller chercher la facilité. Au final, ils reviennent, ils disent qu'on s'est compliqué encore plus la vie. Et ils veulent revenir à l'Islam ou Sunnah. Allah Musta'an. Est-il permis à la femme de repousser ses menstrues en prenant des cachets afin de jeûner le mois de Ramadan en entier? Cette question a été posée à certains savants, ils ont dit que oui. Il y a des comprimés qui repoussent les menstrues de la femme. Est-ce que c'est possible pour, par exemple, la femme elle va en Amra, ou bien elle veut jeûner tout le mois, ou elle veut faire beaucoup d'ibadat, et ainsi de suite, durant le mois de Ramadan, lire le Coran, et ainsi de suite, est-ce qu'elle peut retarder ses menstrues? Voyez? Les savants répondu oui. Mais en ajoutant une remarque importante. En ajoutant une remarque importante et un excellent conseil. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a qaddar, qui a décrété que toutes les filles de Hawa, allaient avoir leurs menstrues. Sahla. Allah Azza wa Jal, c'est le Khaliq al-Alim, Ar-Rahman al-Rahim, Al-Hakim. Allah est sage. C'est le créateur et le savant. Et c'est celui qui a décrété cela. S'il a décrété cela pour les filles de Hawa, hein, à la puberté, c'est que c'est cela qui est la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est un bien. Donc, le mieux pour la femme, c'est de ne pas prendre de comprimés pour repousser ses menstrues. Si Allah l'Égypte a décrété cela, c'est qu'il y a une maslaha. C'est qu'il y a une sagesse. Beaucoup de médecins ont cité beaucoup de sagesse. Et il y a encore d'autres sagesses, sagesse que seul Allah Azza wa Jalla connaît, ou que d'autres médecins viendront après et trouveront. Donc, le mieux, c'est de ne pas faire cela. Mais si elle le fait, c'est permis. Si elle le fait, c'est permis. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنير من شعبان ذكرنا هذا في الخطبة كان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام في أيام شعبان وكان أكثر ما يصوم في شعبان ما عدا رمضان. On a répondu à cela dans la khutbah, c'est que le prophète sallam jeûnait la plupart du mois de Sha'ban, comme dans le hadith, une de ses épouses. D'accord ? Et le hadith qui dit qu'il jeûnait tout Ramadan est expliqué par l'autre hadith qui dit qu'il jeûnait la plupart de Ramadan. Comme a dit l'imam al-Nawawi pour expliquer les deux hadiths. En disant le hadith al-Sani, Shahrun il-Awwal. Shahrun il-Awwal. Il jeûnait la plupart de Sha'ban et commencer, et ne commencez pas le jeûne après la moitié, parce qu'il y a un hadith qui interdit de jeûner à la moitié de Sha'ban, c'est-à-dire de commencer son jeûne à la moitié. Si tu veux jeûner, il faut que tu commences maintenant, mais tu attends, tu ne dois pas attendre la moitié du mois puis commencer à jeûner. Cela n'est pas permis. Cela n'est pas permis. On va s'arrêter sur ça et on reprendra inshallah demain à Salat al-Asr. Voyez. وكما بدأنا نحمد الله العلي الكبير سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والثبات على الدين وأسأل الله تبارك وتعالى ينفع عنا وعنكم وعن نساء المسلمين كل سوء ومكروه كما أسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك